Exercice 5, page 68. A. Ça vaut combien? B. Je le vaux bien. C. Il faut un goal. D. Il faut des toasts. E. Il veut cela. F. Tu veux du feu ?